Bonsoir à tous. Donc, nous sommes en direct avec Aurélie Viard, doula et passionnée de l'alimentation vivante. En plus d'être une maman dans une famille recomposée, elle est également formée à de nombreux sujets de la parentalité, notamment sur le sommeil des petits, l'allaitement ainsi que sur l'alimentation. Nous nous rejoignons particulièrement sur ces centres d'intérêt, n'est-ce pas Aurélie, du coup? Ok, ça me va. Je suis Oriane. Créatrice de René, retrouver sa nature intérieure, terrestre et sensible, qui propose un autre regard sur le monde. Aurélie, tu es avec nous pour partager ton expérience de l'alimentation vivante dans une famille, dans une vie de famille. Peux-tu commencer par nous expliquer comment est arrivé le cru dans vos vies? Ok, alors donc en fait le cru est arrivé différemment pour Eric que pour moi. Donc pour Eric, lui, c'est arrivé il y a longtemps, hein, parce qu'il fait partie des premiers crudivores, on va dire, en France, hein. Ils étaient une poignée, je crois, une dizaine, une quinzaine à ce moment-là. Moi, c'est arrivé il y a 6 ans. Donc, c'est arrivé, ma fille avait un trouble de croissance et elle faisait des chutes de tension. Donc, ma fille est née. Donc, elle faisait des chutes de tension tous les matins à 11h. Voilà. Et okay. C'était une enfant qui était très, très introvertie. Voilà. Donc, c'était... je me posais pas particulièrement de questions, mais le fait que sa courbe de croissance soit arrêtée, je suis pas grande, mais ça m'inquiétait quand même. Et en fait, j'étais à un moment où j'étais dans un changement professionnel, donc j'étais couturière avant, et là je travaillais dans une biocoop, et je travaillais avec il y avait un naturopathe en fait qui venait intervenir dans cette biocoop une fois tous les 15 jours, et là j'ai vu des choses phénoménal. Donc, j'ai vu par exemple ce monsieur faire des plans de santé à des gens, et notamment une femme qui m'a beaucoup marquée, qui avait une sclérose en plaques, qui était en fauteuil roulant et qui est revenue 3 semaines plus tard, elle marchait avec une béquille. Wow. Voilà. Donc, moi, jusqu'à travailler dans une biocoop, c'est si tu jeûnais, tu mourrais. Et j'étais voilà, okay. Très fière de donner le dernier antibiotique à la mode à mes enfants l'hiver. Voilà, donc ça a été. Voilà. Donc, ça a été un sacré virage. Et là, ça a été une ouverture totale. Et donc, j'ai discuté avec lui. Donc, j'ai changé l'alimentation de Chloé. En 3 semaines, elle faisait plus de chute de tension. Elle était beaucoup plus dynamique. Et puis, elle a repris sa croissance. Et maintenant, elle est plus grande que moi. Et c'est vraiment une jolie jeune femme. Et moi, donc, je suis passée du jour au lendemain, j'ai végétarienne. Et un mois plus tard, je suis passée au cru. OK. Ça a été le fossé. Ça a été le fossé, ça a été le virage. Ça a été vraiment le virage voilà, à 90 degrés, voire à 180 dans ma vie, mais non, plutôt à 90 degrés, on va dire un angle droit. Et voilà, et donc au début, donc, j'étais seule avec mes deux filles. Donc j'ai commencé justement, c'était beaucoup à la croque au départ. La première année, c'était beaucoup à la croque, c'était beaucoup de nettoyage, des jeûnes, des purges, des nettoyages, irrigation du côlon et tout ça. Et après, au bout d'un an, j'ai rencontré monsieur Graine-Germée et Tartare d'Algues. Voilà, donc, qui m'a ouvert encore plus grand cet univers-là. Et voilà, ça s'est installé comme ça dans mon quotidien. Donc, quand toi, tu as changé, tes enfants ont changé aussi d'alimentation? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'au départ, si tu veux, tout au début, en fait, j'ai commencé à moi manger ce que je sentais, en fait, et à éliminer des choses de mon alimentation. Et ensuite, j'ai fait des modifications à la maison. Mais c'est venu très en douceur parce qu'en fait, donc, ma grande avait presque 10 ans et donc Léane avait 8 ans. Et alors, c'était très bizarre la réaction de Chloé parce que à la maison, elle était sur la défensive, elle avait peur. Je me souviens, j'ai un souvenir où elle était rentrée dans le week-end chez son père et il y avait je ne sais pas combien de kilos de bananes sur le plan de travail. Et elle m'a dit, mais maman, mais t'es folle, on ne va pas manger que des bananes. Voilà. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à l'extérieur, elle était vachement fière de dire que sa maman était végétarienne. OK. Donc, il y avait une espèce de dichotomie comme ça. Voilà. Donc, pour les amadoués, la première chose que j'ai commencé à faire, ça a été vraiment à introduire beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, en fait, et à manger sur les arbres. Ok. Voilà. C'était le côté ludique qui les a attirés. Voilà, le côté ludique, exactement. En premier, ça a été le côté ludique. Ok. Donc, je continuais à leur cuisiner. La première chose que j'ai changée pour elles, ça a été je n'ai plus rien acheté de transformé. Ok. Mais je Et tu l'as continuais à laissé faire manger, trois fois. j'imagine. Tu l'as laissé manger ce qui lui donnait envie de manger. Oui. Mais avec tout le temps, donc moi j'étais à côté avec cette espèce de grosse panière de fruits ou alors avec des petites préparations de légumes que je me faisais. Et donc, bah, elle piochait quoi. Enfin, elle piochait dedans. Mais si elle me demandait, ah, ben, on aimerait bien manger des crêpes, je leur faisais des crêpes. Ouais, ok. Mais par contre, il n'y Il avait n'y plus avait rien pas de trop. de restrictions. Pas de, ben, au départ, non. Ça a duré comme ça pendant 6 mois. Il n'y avait aucune restriction. Parce qu'en plus, je suis devenue crudivore et en même temps, il y a eu un déménagement, donc changement d'école pour elle. Je commençais encore un nouveau travail, donc changement de rythme entre nous trois. Et puis bon, j'étais maman toute seule avec elle, donc on était assez fusionnels. Donc au début, j'ai fait ce choix-là. Et après, petit à petit, j'ai enlevé des choses. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as l'impression que depuis, elle a vraiment intégré ses bonnes habitudes? Oui. Est-ce que c'est devenu naturel pour elle? Oui. Par contre, elle. Donc, en fait, chez nous, c'est à la maison, on mange végétarien, c'est-à-dire pas de poisson, pas de viande. On a des poules, donc il y a les œufs de nos poules qui sont cuisinés quand on a envie à la coque. Mais en fait, là, tu vois, par exemple, je me posais la question pour le confinement, comment ça allait se passer? Donc, en fait, on mange matin cru, midi cru, soir cru avec du cuit. Ok. Mais à la cantine, je ne vais pas fliquer ou voir ce qu'elle mange. Elle mange ce qu'elle veut. Ok. De la Voilà. viande, du poisson, si elle veut aussi. Ce qu'elle veut, si elle veut aller à McDo avec ses copains, elle va à McDo avec ses copains. Sauf qu'elle n'y va pas. Elle n'a pas envie. Mais non. Donc voilà. Donc je me dis, bon, voilà, c'est quand même pas si mal et le pari est quand même gagné parce que. Elle a, si tu veux pas, c'est pas forcément des réflexes alimentaires, mais c'est surtout des réflexes de santé. C'est-à-dire qu'elle est fatiguée, elle va se coucher, elle se repose. Elle est malade, elle jeûne d'elle-même, tu vois. Il y a un petit bout quelque part, c'est de l'argile. Qu'est-ce que je peux mettre? À ma main, je mets quoi? Je mets argile ou huile de coco. Enfin, tu vois, il y a quand même une démarche qui a complètement changé, en fait. Oui, et avec ta fille la dernière, elle a mangé cru dès le début, hein, c'est ça? Voilà, alors avec Zia, c'est différent. Avec Zia, donc elle est comme nous, si tu veux, sauf quand ben, forcément il y a les frères et sœurs où là c'est pareil, on ne dit pas de restriction. Elle n'a encore jamais goûté ni viande ni poisson. Ok. Et Et on évite est-ce de penser qu'elle au mange? jour où elle demandera à manger de la viande ou du poisson. Est-ce que elle mange un peu de cuit avec vous le soir, donc? Ouais, ça peut arriver, ouais. Ouais. C'est selon ce qu'elle a envie. Ouais, C'est mais tu pareil. vois, c'est voilà, Zia est quand même assez instinctive et ça peut être voilà, elle va faire un repas en croquant des carottes. Ce qu'elle préfère, ça reste quand même de l'avocat avec du tartare d'algues. Ça, c'est vraiment la valeur sûre. Quand il y a des mangues, ben elle mange que des mangues. Quelle C'est est la voilà. part de cuisine par rapport à ce qu'elle mange à la croque ou ce que vous mangez de manière plus générale? Est-ce que vous cuisinez plus que vous ne mangez spontanément comme ça? Alors, quand on est tous les deux, on est à la cagette, à la croque. Donc, quand on est tous les deux avec Zia, donc quand on est tous les trois, ouais, ça va être à la croque et à la cagette, en fait. Et quand on est en famille, moi, je cuisine beaucoup. Ok, et combien de temps tu y passes? C'est pas moi qui fais à manger à la maison. Parce que la meilleure façon de faire en sorte que les enfants s'approprient leur alimentation, bah, c'est de les faire cuisiner eux, en fait. Ok, Donc donc vous j'ai faites abandonné des ateliers de ce rôle-là. cuisine. Voilà, j'ai abandonné ce rôle-là. C'est en fait, tu vois, c'est ce qu'on appelle la participation sociale, en fait. C'est-à-dire que le repas est un moment qu'on confectionne. Bah, soit c'est à tour de rôle les deux grandes, soit c'est toutes les trois, soit c'est toutes les deux avec Eric, soit c'est l'une avec Eric. Et ça se passe comme ça, en fait. Et ça vous prend combien de temps dans la journée à peu près? Alors, je vais dire pour Parce que... un repas sophistiqué, ça va prendre une demi-heure et pour un repas simple, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, donc moins de temps que la cuisine que tu faisais avant. Oui. Ça t'a gagné en temps. On a gagné en temps, ouais, on a gagné en temps. Et puis bon après, c'est, tu vois, il y a quand même, on va dire, il y a un week-end par mois où on bloque le week-end pour faire les fonds de pizza, les crackers. le tartare d'algues, tu vois, quelques préparations que des fois on met au congèle pour ressortir quand ça nous fait plaisir, quoi. Ou on fait les lactofermentations, ça va y avoir un week-end par mois, en fait, où on va se bloquer là-dessus. En fait. Mais sinon, le reste du temps, ça prend, ça prend un quart d'heure. Et vraiment, 30 minutes, c'est vraiment quand on fait un truc un peu sophistiqué ou quand on fait, tu vois, des patates douces à la vapeur ou quand... Ouais. Ania demande comment les faire cuisiner, eux, à quel âge doit-on commencer ? Le plus tôt possible. Toi, tu as commencé avec Zia, toute petite. Ah ben, Zia, elle marchait pas encore. Elle était assise devant l'extracteur, elle faisait des jus. Hein. Ouais, moi, je faisais ça avec ma fille aussi. Le plus ils tôt adorent, possible. En fait. Et puis, ils choisissent ce qu'ils mettent dedans et ils savent bien ce qu'ils mettent dedans. C'est génial. En fait, il y a un truc, si tu veux, c'est que moi, j'aime beaucoup, hein, tu vois, j'aime beaucoup le travail de Dominique Guillot et j'aime beaucoup là, donc, tout ce qui est alimentation sensorielle et le fait de manger quand on en a envie, quand ça nous appelle. Mais nous, on a quand même gardé cette structure de repas commun à midi et le soir, à horaire fixe. Parce que c'est important pour nous de se retrouver au moment de la préparation des repas, de discuter, chacun parle de sa journée. C'est là, tu vois, pendant les repas où il y a des comptes qui se règlent, des demandes qui se font, tu vois. Et c'est important, en fait, parce que ça crée du lien, tu vois. Donc, et quand vous mangez le repas, vous mangez tous la même chose ou il y en a qui se sont préparés des trucs un peu spécifiques ? Ben, on fait formule espagnole, tu sais, on fait formule tapas. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir une grosse salade. Donc, par exemple, Cyliane dit, quand on est en train de préparer la salade, Cyliane dit, ah, mais non, mais moi, j'ai pas envie de vos graines germées. Donc, ben, c'est les graines germées, on va les mettre dans un pot à côté. Ouais. Et Eric dit, tiens, moi, j'ai envie d'une purée de carottes. Donc, il va faire une purée de carottes, il va la mettre à côté. Puis, donc, généralement, sur nos tables, il doit y avoir 5, 6, ouais, entre 5 et 6 plats à chaque repas. Donc, ça permet, en fait, même si vous faites des repas et que vous mangez tous ensemble, ça permet à chacun d'adapter ce qu'il a envie de manger, en réalité. Oui. Le sensoriel peut être là. Moi, je trouve que c'est aussi important. Oui. Et puis, c'est ce qui est chouette aussi, c'est que, pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau du territoire de chacun qui se joue à table. Parce que, tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y en a donc Léane qui disait « Oui, j'en ai marre, je prépare des trucs, Zia, elle ne les mange pas, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. » Enfin, tu vois, donc il y a des choses, en fait, qui se jouent que tu peux passer à côté si tu ne partages pas ce genre de choses. Ok. Et je trouve ça chouette. Et voilà, donc, ouais, il y a un côté… Donc, il y a ça. Et puis, voilà, comme tu disais, il y a ce côté sensoriel où ils sont attirés par des choses. Mais on fait en sorte… En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait toujours en sorte que les plats soient super bien présentés et soient jolis et attirants à l'œil déjà. Ouais, OK. Le fait de les préparer ensemble, ça permet aussi à chacun de s'approprier le repas en sachant déjà ce qu'il va manger. Ils ne mettent pas les pieds sous la table en disant « On mange quoi, maman, ce soir ?» C'est ça. Je suis une mère pauvre de toi. Je fais mon enfant à la cuisine. Je valide. Est-ce que tu as des astuces rapides à donner à des parents qui voudraient se lancer dans de la cuisine avec leurs enfants comme ça? Écoute, dans la cuisine, tu fais des petits coins, des petits espaces. En fait, c'est drôle parce que c'est un peu comme quand à l'école, ils apprennent la motricité fine, en fait. Tu sais, tu as des écoles où, en fait, les enfants, ils circulent comme ça de table en table, d'atelier en atelier. Donc, y a celui, par exemple, qui va laver les fruits et les légumes. Il y a celui qui va les couper. Il y a celui qui va le mettre en assiette. Il y a celui qui va faire une petite sauce. Ouais. Et ça se décide ensemble. Et ça, tu vois, par exemple, c'est Eric qui a apporté ça chez nous parce qu'il me disait que quand il retrouvait ses enfants... le week-end, en fait, c'était la complicité se déroulait autour des assiettes. Donc, okay. Nous, on a intégré ça et voilà, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. C'est spontané et OK. Et il faut être patient et pas avoir d'attente, je pense. Tu vois, c'est être patient, le prendre de façon ludique, détendue et... parce qu'il y a quand, mine de rien, cru ou pas cru, tu as quand même énormément d'enjeux autour de l'alimentation, tu vois. Oui, et bien justement, Ania dit comment, avec cette alimentation, comment être sûr qu'ils ont une bonne dose de minéraux. Voilà. Je crois que c'est vraiment pas le problème des minéraux, là. Alors, tu sais, c'est rigolo parce qu'on plaisantait avec Irène là, en début de semaine. Et je disais, je pense qu'il y a plus de riz aux pâtes parce qu'ils ont trop d'énergie. Non, il n'y a pas un problème de. Ouais, il y a cette peur des carences. Moi, je comprends. Non, j'en rigole là, mais je comprends tout à fait qu'il y a une peur des carences. En fait, il y a quand même des signes, on va dire, cliniques, qui font que tu sais si ton enfant va bien ou pas. Si ton enfant il est plein d'énergie, s'il est cohérent dans sa façon de réfléchir, s'il est en contact, c'est-à-dire que s'il te regarde les yeux dans les yeux quand tu discutes, tu vois, ou s'il est, il cherche le contact et s'il dort bien, à partir du moment où il n'est pas constipé et que ben les urines sont fluides, enfin il n'y a pas vraiment de souci à se faire, quoi. Oui, oui, c'est évident. Voilà. Et puis, bah, c'est leur faire confiance, en fait. C'est leur faire confiance. Et si jamais, moi, enfin, ce que je dis aux mamans quand je les accompagne, c'est si jamais t'as un doute ou quoi que ce soit, une peur, bah, tu fais un entretien chez un naturo. Il y a des très, très bons naturo qui vont te faire un plan de santé avec ou des compléments alimentaires ou de la B12 ou tu vois. Ouais. Et il y a une espèce de quête de l'idéal, en fait, qui est des fois qui, c'est bien hein, de vouloir une parfaite santé, mais des fois ça fait des freins en fait chez les parents parce qu'on a toujours cette peur de pas être de faire mal, de faire du mal à nos enfants. C'est une peur qui est vraiment viscérale, qui est profonde en fait. Donc si pour te rassurer à un moment donné tu as besoin de passer par des compléments alimentaires ou mais très vite en fait très vite, tu sais c'est le chemin vers l'alimentation vivante, tu le sais, c'est comme des pelures d'oignons que t'enlèves au fur et à mesure. Ouais. Tu prends de plus en plus confiance, tu prends de plus en plus, tu connais mieux en mieux ton corps et puis au fur et à mesure ça, tu vois. T'as pas de peur sur le régime végétarien, du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent, les enfants? Ils réclament de la viande quand ils sont dehors, ils en mangent particulièrement, ou du poisson? Alors, donc sur les trois, donc Zia ne mange est végétarienne, Léa est devenue végétarienne il y a un an, et tu vois, même moi avec soi-disant mon cursus de maman éclairée sur la question, ben là, je suis allée voir une amie naturopathe. Pour savoir. Voilà, donc on a fait une iridologie pour savoir un peu son terrain, ce qui était fragile, ses forces, qu'est-ce qui lui correspondait mieux. Et voilà, et puis il y a aussi, il faut comprendre que c'est la santé d'un enfant ne passe pas que dans l'assiette, en fait. Ça passe dans l'assiette, mais ça passe aussi par rester dans son corps, des mouvements, de l'exercice, de la respiration, toutes ces choses-là, en fait. Ouais, c'est évident. Question un peu à part, avec la crise du Covid, est-ce que votre vie s'est transformée? Est-ce que votre façon de vivre s'est transformée? La quoi? Non, je plaisante. alors nous, ça faisait déjà longtemps qu'on était en télétravail. Donc, ça fait longtemps qu'on a un système où on travaille à la maison, on a le bureau qui touche la maison. Notre vie s'est transformée. Non, par contre, elle s'est un peu modifiée parce qu'en fait, on a eu plus d'activités professionnelles. C'est-à-dire que les gens se sont un peu jetés sur les germoires et les graines germées, donc ce qui est une bonne nouvelle en fait, hein, parce que ça veut dire que puis sur l'eau de mer aussi. Ça nous a permis nous de finir des projets qu'on avait laissés un peu de côté aussi. Donc ça a été en fait un moment de retraite. Les enfants ont été tous les trois à la maison toute la journée. On a fait le choix de garder. On a mis un réveil le matin. On s'est dit voilà, on a choisi une heure tous ensemble et on s'est dit qu'à 9h c'était pas mal et à 9h la journée commençait pour tout le monde, histoire de pas, tu vois, de garder un rythme. Et puis tous les après-midi, on s'est dit on les passe dehors. On est dans le sud, hein. Ouais. Voilà, donc c'est. Donc au soleil. Mais je crois que les deux mois ont été très beaux partout. Est-ce voilà. que tu as eu le sentiment avec justement cette crise où tout le monde avait peur d'être malade, que ce que vous faisiez devait être amélioré ou c'était déjà suffisamment bien pour rester sur la même ligne de conduite? On ne s'est pas trop posé de questions. Moi, j'ai fait un jeûne, je me souviens. Ça a créé un peu un fossé entre mes filles et leurs copains, par contre. Ah ouais. Avant, les années d'avant, par exemple, quand il y avait une épidémie de comment on appelle cette maladie-là, de gastro. Quand il y avait une épidémie de gastro, ou de bronchite, ou une grippe, bah, elle râlait en disant, oh là là, tout le monde est absent, on est les deux seuls à l'école, enfin, voilà. Ah oui. Donc, pas suffisamment malade. Ouais, voilà. Donc là, ça n'a pas changé grand-chose pour nous, si tu veux. Le gros changement positif, c'est que Léane et Chloé, par contre, se sont appropriées de plus en plus la cruzine, ça, c'est sûr. Ok. Voilà, elles s'y sont intéressées, elles ont été plus. Mais moi, je veux dire, les changements étaient positifs. Après, nous, est-ce qu'on a amené des gros changements? j'ai pas l'impression, en fait. Elles ont pas mal vécu le fait, du coup, de manger plus cru, non. plus vivant. Non, elles ont vécu ce qui a été le plus difficile pour elles. Et encore, heureusement, il y a Internet, mais ça a été pour Chloé de pas voir son amoureux. Et voilà, et de pas faire des sorties avec les copains. Mais sinon, le reste, ça s'est quand même très bien passé, hein, franchement. Ouais, c'est ça. Dernière question. Oui. Quel serait le premier pas que tu recommanderais à un néophyte qui voudrait entamer un changement vers plus de santé, de liberté, de bien-être ? Alors, le tout premier pas, mais vraiment le tout premier, c'est d'arrêter d'acheter transformé. Ouais. Voilà. De passer à des aliments. Ouais. C'est ça. Peu importe, je parle bien du tout premier pas. Hein. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux manger des meringues, tu te fais tes meringues avec des ingrédients bio. Tu te fais ta pizza, c'est-à-dire que tu te fais ta pâte à pizza et tu te fais ta pizza. Pour moi, c'est comme ça déjà beaucoup. Ouais. C'est le tout premier pas. T'évites beaucoup d'additifs, beaucoup de trop de sel, trop de trop de produits transformés, etc. Et trop de tout ce qu'on ne sait pas qu'il y a dedans. Et voilà. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier pas. Après, le deuxième, ce serait si vraiment ta démarche, c'est d'aller vers du vivant, ce serait pas forcément d'enlever des choses, mais ce serait de rajouter des choses. C'est-à-dire commencer à t'approprier des aliments que tu n'as pas l'habitude de manger, comme par exemple des algues, des graines germées et les jus. Oui, en ajoutant, ça permet d'enlever en fait ce qui est de trop spontanément, quoi. Parce que sans tu sais, c'est par une privation. Il y a des personnes qui mangent des choses, ils ne savent même pas la quantité de chaque ingrédient. Et quand je dis de faire soi-même, ce n'est pas des blagues. C'est-à-dire qu'une personne qui adore les meringues, si un jour elle fait des meringues, si elle voit la quantité de sucre qu'elle met sur sa balance, déjà ça va la calmer. C'est sûr. Hein? Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le premier pas, quoi. Ça redonne pied avec la réalité. C'est ça. Ouais, ouais, c'est évident. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une lecture que tu conseillerais à des parents, des jeunes parents À des parents et des jeunes parents. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour les parents. Oh là là, c'est un peu le désert en France. Hein. Il y a Karen Renzi, pour ceux qui parlent anglais, qui est pas mal. Pour des parents, non, j'ai pas grand-chose à conseiller. Après, moi, les deux livres que j'aime beaucoup, qui sont pas forcément de la cuisine, hein, mais qui, donc, pour ceux qui sont plus scientifiques, moi, c'est clair, c'est L'éloge du cru de Dominique Guillot. Ouais. Ça, c'est sûr. Et pour ceux qui sont plus, on va dire, féminins, je sais pas, qui sont moins scientifiques, ce serait le livre d'Irène, La vie en abondance. Ok. Je vois un dernier commentaire là de Flavien. Alors, on ne voit pas tout son commentaire en entier, mais il dit « Je suis sportif régulier, je suis végétarien et je tends vers l'alimentation crue de plus en plus, mais j'ai l'impression de manquer de jus. Est-ce que je me restreins ?» Oui, je pense. Hein. Est-ce que je me restreins de trop quelque part ou je me carence ? Bon, c'est peut-être... pas parfaitement toi qui peux répondre à cette question parce que tu es pas naturo, mais... S'il constate ça, rien ne l'empêche d'aller demander des analyses sanguines déjà. Voilà, c'est ça. Moi, j'en fais une. Bah, tiens, tu vois, par exemple, pendant le Covid, vu que j'avais rien à faire, je me suis dit, tiens, je vais faire une analyse de sang. Ouais. Donc, j'ai fait une analyse de sang et j'étais super contente, en fait. Toi, de voir que j'avais... Voilà. Donc, moi, le premier truc, c'est tu manques de jus, bah, fais une analyse de sang. Comme ça, tu verras. Oui, peut-être que ça va te rassurer. Oui, c'est ça. Selon moi, si tout va bien, alors il n'y a pas de question à se poser. Si on commence à sentir que peut-être quelque chose cloche, alors il faut réfléchir à ce qu'on fait et se renseigner un peu plus, tester, faire des expériences parce que on est quand même des pionniers. Enfin, moi, j'ai vraiment cette impression. On est des pionniers sur un chemin qui est à ouvrir, qui n'est pas encore ouvert. C'est ça. On évolue dans un monde qui a un référentiel d'alimentation transformée, qui a l'habitude d'aller chez le médecin et qui guérit à coups de médicaments. Là, on ouvre quelque chose de nouveau en faisant attention à sa santé et en faisant soi-même attention à sa santé. Et tant mieux, je vais te dire, parce que comme ça, ça permet de ne pas quitter des normes pour en retrouver d'autres. Tout à fait. Je saute au plafond à chaque fois que je vois passer des articles en disant « Il vous faut absolument du jus de ceci pour faire cela », mais ça me fait sauter au plafond, quoi. Parce que ça fait pas chacun et c'est ça qui est chouette. Alors, j'ai pas fini en fait parce que ce serait faire des analyses de sang en fait en demandant, enfin, c'est pas les faire lire par un généraliste, mais les faire lire par un naturopathe. Parce que ouais. C'est pas les mêmes, voilà, les mêmes. Les mêmes barèmes. Mais ou les faire lire et par ton généraliste et par ton naturopathe. Moi, j'ai une généraliste qui est super cool. Hein, donc, c'est elle qui me l'a fait. Elle m'a écrit tout ce que je voulais. Et puis, voilà, elle les a lus. Et après, j'ai fait lire à une amie naturopathe. Mais c'est voilà, si tu as le moindre doute, de toute façon, ça rime à rien de rester avec ça, quoi. Oui. Et puis, c'est bien d'expérimenter, de tester, parce que c'est comme ça qu'on trouve ce qui nous correspond vraiment en fonction de notre mode de vie, en fonction de notre environnement, en fonction de notre terrain, de nos antécédents, etc. quoi. Oui. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Mais je te remercie, Oriane. On se retrouve samedi 30 à 18h avec Farès Achour qui nous parlera de sa pyramide pour la santé, de comment être en santé avec la totalité des éléments, pas seulement l'alimentation, mais aussi l'activité, le repos et tout ça. Donc, je vous attends samedi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Aurélie.